100% rap français. 100% explicit lyrics. La Nocturne. Et c'est parti juste après Difool pour La Nocturne. 100% rap français avec pendant une heure de Nocturne avec Monsieur Esprit Noir. Yeah, yeah, yeah. Ça va? Ça va et toi, Fred? Écoute, je tiens un magnifique EP dans les bras, ouais. Dans les mains. Si, si. Dans les bras comme un bébé, oui. Dans les mains au moins, c'est ce qui sort lundi? Ouais, lundi ça sort, c'est 00S Licence to Kill, c'est l'EP. Ouais, c'est le EP de Esprit Noir, donc ça sortira lundi. Voilà. Est-ce qu'on peut le précommander dès maintenant, par exemple? Ouais, tu peux, là les liens sont déjà dispo sur les Facebook, les Twitter, Instagram. Enfin, voilà quoi, on peut le trouver, on peut même le trouver sur Bouscapé là. Déjà? Ouais, bientôt, ouais. Eh bah, on pourra le trouver, on pourra cliquer sur les vignettes à droite à gauche sur le site. Et voilà. Bon, on est bien content de t'avoir pendant une heure. Ouais. Tu m'as promis du live. Live. Un peu de live à la fin. Beaucoup d'extraits de ce EP qui sort donc lundi et on le disait qu'on peut précommander dès maintenant. Exact. Bon, on y va, on attaque tout de suite cette Nocturne ou quoi? Ouais, bah direct, hein, on est chaud. Avec un morceau qui s'appelle Cell. Ça, attends, tu l'avais balancé il y a un petit moment. C'est ouais, je me souviens de ce clip incroyable. Rappelle. En kilt. Tu m'avais surpris même. Je me rappelle, j'étais venu à un Planète Rap. Ouais. Je m'attendais pas du tout. T'es venu, tu m'as dit, ouais, il y a un clip qui doit sortir, ah ouais. Et tout. Et ouais, c'est un morceau que j'ai balancé il y a un an maintenant. Mm. Il y a un an, avec un clip qui est disponible, on est parti avec Fifou et l'équipe d'HK Corp dans un endroit secret en France. Tenue secret. Voilà, tenue secret. Et voilà, ça a donné un super clip. Donc voilà, c'est le premier extrait. On écoute le morceau, c'est Celt pour débuter cette Nocturne 100% rap français avec Esprit Noir au contraire. Planète Rap. Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Yeah, 00S, licence to kill, Esprit Noir négro, Fougère 20e, N.E. Cheer. Amso, what up? Yeah. Si mon pote la drogue est dure, c'est HPR qu'aux procédures. Pour prendre de l'air, faut prendre des thunes, putain. Monsieur Dupont a plus de chance que Monsieur Sale pour intégrer une succursale. L'environnement est toujours sale, pire. On se rend compte que le temps passe, mais la violence elle reste en place. J'vois plus de sang que le temps passe, mon pote. Parce qu'en bas du bloc, ça défouraille. Y'a pas que des reux, ceux qui abattent. J'en place une pour celles qui travaillent, baby. Parce que pour vivre, il faut du pèse. Combien d'entre nous se sont dû perdre, d'autres entre temps sont devenus pères, bah ouais. En attendant que la pessimiste, on est devenu des pessimistes qui se précipitent dans le précipice, nest 7-5 degrés Fahrenheit. Fifou, qu'est-ce qui garantit de me taper les culs à part un knife. Tu vois des gens de corps entourés à la craie. De fougères à la rue marcadée. Faire de l'argent propre pour 00S, licence tout kill, mon frère. Disponible sur iTunes. Check. Fougères d'or. Dans les poches, bénéfice. Frère, rends-toi compte qu'on se fait baiser. Fais pas comme tous ces grands là-bas à compter les PC. La vie c'est dur, cher. Forcément faut décaisser. Pas du bloc, tu perds tes potes, t'en viens à compter les décès. Ici ça sent l'attaque pas de ceux que l'on n'a pas de pas. Use tes potes, pas de pas. Stressé quand la licence passe. Tout kill. Blanc des pics, black, notorious pic. Yeah. Ici les flics, black, mais tous les teams, back. 400 ans, crois pas que la guerre elle est entérinée. J'suis venu au monde, après mes tapes avec un stérilé. Petit, joue pas les architectures. Crois-moi que la cité tue, on brise ton architecture. 7-5 degrés Fahrenheit. Qu'est-ce qui garantit de me tasser cul à part un knife. Tu vois de plus en plus de corps entourés à la craie. De fougères à la rue Marcadée. 18-19-20, Paris Nord, Paris Sud, Paris Est, Paris Ouest. Check. Pat Schmidt, grosse plie, y'a des pièces dans les poches. Bénéfice. Check. La vie de mes rêves, je suis venu étaler. On était jeunes, on avait des cahiers. À l'époque, on savait pas qu'on allait détailler. Et qu'à la vue des keufs, mon pote, on allait détaler. Moi, je ne suis qu'un jeune parmi tant d'autres. En gros, je suis qu'une goutte parmi tant d'autres. Mais bon, frère, chez nous, clairement, la haine, ça sent. Alcool et fume, souvent, ça sent. Parce que nos pères sont tous absents, putain. Nos mères attendent que les blêmes se tassent. Éprouvés par un manque d'espace. Et la misère leur donne d'espace. Quant à notre état, c'est pire. On subit l'état, il s'est pris. Bienvenue dans mon état d'esprit, nègre. 00S, licence to kill. Disponible sur iTunes. Check. Smith, grosse plif, liasse dans les poches, bénéfice, N.E. La nocturne. Dans mon décor, y'a plus d'école, tout le monde est gore. Ramène du caille, on pleure des morts. Ramène un nine, on ouvre des portes. L'argent sabote nos rêves, ça passe Noël sans artifice. Et c'est cette putain de société qui offre nos mères en sacrifice. En prison, tu consommeras les pâtes que font les femmes ritales. 00S avec un jerrican, pendant que l'État ricane. On aime se plaindre, mais au fond, notre vie n'est pas si triste. On bataille pour être pacifique, s'établir dans le Pacifique. Ici, c'est H, pétasse et flic, boy. Casse, pécane et fric. Nasri, quoi, n'est-il, c'est tout ce qu'on parle, pétasse et chic. Faut-il qu'on braque pour que tu te fies en Dieu? J'ai quelques rimes en E. On discute à bas avec un silencieux. Parce qu'à la base, on vient des sous-sols. Le soir, on fait des sous-sols. Va dire aux politiques, aux élections. On vote en bas. On augmente pas nos putains de B. On se sent pas représenté. Pas d'humeur à plaisanter. Mes frères reposent en paix. Bien sûr, les miennes ont une insigne. Beaucoup d'entre nous leur servent de nous. Pas besoin de jurer par un mec. On veut changer les paramètres. Un peu de cerveau des coronets. On veut changer les paramètres. On veut plus de 2000 euros net. On veut changer les paramètres. Check. La jugette met des peines planchées. Je t'avais dit qu'elle est pas commode. Donc c'est la même pour les trois quarts. Elle te fout direct au placard. Tu me parles de politique. Je te parle de flics qui tuent dans nos cités. De casse, de banditisme. De schlag intoxiqué. De vraies atrocités. De mecs qui s'attachent à la tâche. Qui saccage ton appart. Oui. Ensuite mon pote qui sac à part ta part. Eux aiment l'idée que nos banlieues crament. Que ma jeunesse sature et craque. Se retrouve dans le bloc pour prendre du crâne. Forcé de prôner la pente du crâne. Diesel. Du mal à s'attacher au vilain. On peut pas travailler pour Smith. Yann Géo. Les crânes mon pote sont saccagés la aussi dame. Vu qu'ils ont saccagé notre site. L'Afrique est sué un génocide sale. Le soir mon pote on fait du fric. Parce qu'à la base on vient des sous-sols. Le soir on fait des sous-sales. Va dire aux politiques, aux élections. On votera pas, ça augmente pas nos putains de paix. On se sent prison pas, de France du bruit. Pas de fleurs à plaisanter. Le trône de mes frères repose en paix. Bien sûr les hyènes ont une insigne. Beaucoup d'entre nous leur servent de nous. Pas besoin de jurer par la mec. On veut changer les paramètres. Un peu de cerveau des coronets. On veut changer les paramètres. On veut plus de 2000 euros net. On veut changer les paramètres. Moi je te le dis, c'est l'État qui fait de nos petits. Des guetteurs ou des rabatteurs. Des dealers plus puissants aux symptômes ravageurs. Tu préviendras ta sœur, tes oncles, même tes tantes. Qu'on creuse tes tombes au mois de décembre. Vu qu'il y a des bombes dans nos descentes. Parce qu'à vrai dire, on a rien à se mettre sous la dent. Plus proche du canon sur la tempe que sous ma tente. Yakuza, y'a pas de mille facettes. On fait vite ta fête dans une estafette. Quand les petites affaires pour des petites affaires. Cannabis combien atterrit sa prenne. En terre fleurie, bois dans la santé. Pendant que les musiques boivent ta santé. T'es là, tu stagnes, enrichis leur stade. Et tu recules au lieu d'avancer. Pendant ce temps-là, l'Afrique est suée un génocide. Ça. Le soir, mon pote, on fait du fric. Ça. Base, on vient des sous-sols. Le soir, on fait des sous-sales. Va dire aux politiques, aux élections. Tu gères le front, la passe du leur. On pas nos putains de check. On se sent pas représenté. Papa d'humeur à plaisanter. Viens trop de mes frères, repose en paix. Bien sûr, les hyènes ont une insigne. Beaucoup d'entre nous leur servent de nous. Pas besoin de jurer par la mec. On veut changer les paramètres. Un peu de cerveau des coronets. On veut changer les paramètres. On veut plus de 2000 euros net. On veut changer les paramètres. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hey, hey. Black M. Les yeux plus gros que le monde, mon pote. Je t'ai vu, check. Yeah. Me demande pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbite. J'approche de la trentaine, couche, passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir. 00S, licence tout kill. Un trou noir, ma vie, les envies. Vas-y, musique. Sénégal. Tout de suite, je suis dans un trou noir. Check. Un trou noir, check. Un trou noir, ma vie. Je viens de New York, Paname, ça clique sec. De quoi faire flipper type 7. J'espère depuis que j'ai 17. Appelle-moi prototype 7. Faut qu'on s'éloigne de la piste. Ray. Faut qu'on s'en salaire fixe. Net. Qu'on doit des petits articles. Mec, je saute le soir les flics. Qu'on fasse sa patate dure. La dope en tombe de catapulte. En parlant de produit à ta pute. Qu'on a atteint la taille à plus. Y'a pas d'héros, très peu d'euros. Du coup, des balles bleues. On n'avait pas toujours une paire de Nike 9. L'argent et l'or. On veut l'argent et l'or. Les c'est sans qu'un père nous appelle fiston. Si t'es pas prêt, négro reste sur le pas côté. En bref, ça sera doté. Respecte les gars côté. Je craque des armes, on casse les armes, une balle d'humeur, ouais. C'est Paris Est, un faux semblant de Baltimore, ouais. Soldat parisien du côté Issac. Fuck you nègre. Me demande pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause d'une lesbite. Black M. Je la trentaine pour je passe l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. J'ai un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. J'suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir, ma vie. Je plonge dans ma réalité, absence de thune d'humanité. Haussmann, Miller, carité, longtemps qu'on met plus de marité. Le tosma est de qualité, les types de mentalité. Peu d'entre eux sont qualifiés, les trois quarts peut-être même calibrés. Pas de situation clarifiée, chez moi y'a pas d'égalité. J'ai toujours une peur de carité, de plus l'amour est arrivé. Les passages dans la cavité, les hommes défient la gravité. Les femmes demandent la parité, les schlacks elles demandent la charité. De ma part, man, d'être starifié. On a fourgué des scènes et fait du sale papier. On prend pour être oscarisé. Depuis que le jour de gloire est arrivé, l'Afrique a la proscarifié. Le site part en pied ou en plaquette. Quand ta daronne compte ses pièces pour assembler le prix d'une baguette. Constate les parts en scène des chances, on n'a pas 47. Du Dakar à des 47. Ça shoot dans la 47. Yeah. 00S, licence tout chill, disponible sur iTunes et toutes les plateformes de téléchargement. Check. J'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. J'suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. J'suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie. Je demande pas où est mon esprit. Le cœur noirci peut-être à cause d'une SB. J'approche de la trentaine, faut que je fasse l'oseille vite. J'ai l'impression que je suis en train de tomber dans le vide. Et j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. J'suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir. Ma vie, j'ai des envies de tout vouloir, de tout vouloir, de tout vouloir tout de suite. J'suis dans un trou noir, un trou noir, un trou noir, ma vie. C'est la nocturne et au contrôle de la nocturne, il y a Esprit Noir avec nous. Ouais, ouais, ouais. Avec à l'instant un morceau aux côtés de Black M. Ouais, avec Black M. Bon, c'est un peu la famille, la section d'assaut, Black M. Ouais, tout. Ouais, bah tu connais mon ex-appartenance au groupe L'Institut, mm-hmm. Je crois, qui est désormais signé chez Watibé. Ouais. Donc voilà, forcément, on a rencontré la section d'assaut et tout. Et voilà, Black M est venu me soutenir sur le morceau Skyfall. Le morceau s'appelait Skyfall, on a passé Paramètre aussi. Ouais, Paramètre aussi. Et Paramètre, pour débuter c'est un morceau qui me tient à cœur parce que c'est un peu une revendication, tu vois. C'est un peu, on va dire, il y a beaucoup de messages dans le morceau. Et c'est sur une grosse prod, tu vois, new-yorkaise, comme je les aime. Donc voilà, c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, bientôt, il y a le clip qui va arriver dans les prochains jours. Donc, prochaines images pour toi, ce sera sur Paramètre. Ça sera sur Paramètre, voilà, c'est le prochain clip. Les gens ne savaient pas, maintenant les gens savent. Bon, tu veux dire un mot d'ailleurs, parce qu'on a parlé de Black M, il y a un autre featuring aussi sur l'album, c'est ouais. Une jeune fille. Ouais, c'est Neige. C'est Neige qui était venue d'ailleurs dans Exactement, tu l'avais rencontrée ouais. À l'occasion du Planet Rap de Mister You. Elle est sur le morceau Emmène-moi. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc Neige m'a accompagné sur le morceau Compliqué. Donc Neige, c'est une très très très très très grosse chanteuse, tu vois. Ça veut dire que là, bientôt, elle va arriver, elle va préparer son EP qui va arriver dans quelques temps. Et voilà, m'a fait un gros refrain. On a travaillé aussi ce morceau avec Dr Berries, tu vois. D'Institut aussi. D'Institut, voilà. Donc voilà, gros gros gros morceau. Bon, Esprit Noir avec nous, c'est lui qui a pris le contrôle de la nocturne. Tout à l'heure, il y aura du live. Tu veux qu'on parte sur quoi? Sur extrait de l'EP? Tu veux mettre un autre morceau? Je pense qu'on va partir sur un extrait de l'EP. Pourquoi pas Vivre et laisser mourir. Très bonne idée. C'est Vivre et laisser mourir, c'est en référence à tu vois, comme mon EP s'appelle 00S, en référence à James Bond, tu vois. Et il y a un titre de James Bond qui s'appelle Vivre et laisser mourir. Donc voilà, j'ai fait le parallèle dans cette EP. Parce que je pense que c'est une phrase qui nous résume bien, tu vois. Bon, il y a pas mal de titres d'ailleurs qui vont penser à. Il y avait Skyfall là. Voilà, Skyfall aussi, c'est un titre de James Bond. Il y a Licence to Kill. Licence to Kill, le titre éponyme sur la prod de DJ Belek. Un sac plein d'oseille, c'est quel James Bond celui-ci? Ah non, un sac plein d'oseille, ça c'est mon James Bond. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est 00S, tu vois. C'est... ça c'est mon titre à moi, tu vois. Donc voilà, sac plein d'oseille, c'est sur une prod de Sonar. Et voilà, c'est ce qu'il nous faut tous, non Fred? Un petit sac plein d'oseille. Bah si ça tombe du ciel, avec grand plaisir. Ah mon gars. Ou voir du camion. Ou sinon, il faut aller le chercher, sinon, au pire des cas. Et ben on y va, avec les dents. Ouais. Esprit noir au contrôle de la nocturne, c'est lundi dans les bacs, à pas louper en précommande dès maintenant. Tiens, je fais pas dans la salsa, en passant je laisse la salle sale. On aime les filles à part ça, un peu de cash à la cassa. La vie ne me paraît stressée, pressée souvent agressée. Police amende à presser, souvent des lettres adressées. Ici pas de palta dente, ni de mucha caliente. Les dos sont tous esquentés, les parents tous au quente. Maintenant faut que je paye les factures, consolider les fractures. Mais même mon CV sature, 25 ans que ça dure. Nous sommes une visée ça. Prendre leur pilule ou pastille. Moi je prends mes thunes en plastique. Viscère une jolie plastique. Parce que la drogue la console. Comme ce gosse vend la console. On ne vit plus, on console. Monnaie, voyelle, consonne. Approche et vois que chez moi huissier a trop sonné. Trop sonné. Mais qu'il a eu de la chance qu'il y a rien pour tronçonner. Approche. Chez moi souvent petit frère n'a pas son lait. Du coup parfois on Taya Jones, what up? Pas trop loin d'ici. Des miens loin des lois, des blèmes faux ou des règles. La passe le loin d'ici. Près des miens loin des lois, des blèmes faux ou des règles. La passe le loin d'ici. Faut que je m'éloigne comme des douanes. Car crois-moi j'ai des soucis plein la tête. 00S. Vive mourir comme un fils honnête. Pur descendant d'esclaves, coutume noire ancestrale, faire des sommes les vrais sables, drogue dealer comme ASAP, forgé par drame et décès, un pack de palais. Depuis long ça va cesser, c'est plus rentable à cesser. Le 7-5 est indexé, dans mon cœur, dans son fessier. L'État veut me voir affaissé, au mieux d'être dans les WC. Les médias aiment rabaisser, nous mettre au rang de coupables. Du coup souvent les coupables, sur fond de Biggie Tupac. Allo, allo Houston. Dans la ville je crois qu'il y a 12 tonnes. De quoi te mettre des claques et faire des schlacks comme Whitney Houston. J'arbore de violents propos, exécution nos locaux. Casamment sur mon logo, j'ai des frères partis trop tôt. Approche et vois que chez moi huissier a trop sonné. Trop sonné. Mais qu'il a eu de la chance qu'il n'y a rien pour tronçonner. Approche. Hey, hey. Chez moi souvent tu 00S licence to kill. Disponible sur iTunes. Près des miens, loin des lois, des blèmes faux ou des règles. La passe loin d'ici. Près des miens, loin des lois, des blèmes faux ou des règles. La passe loin d'ici. Je m'éloigne comme des douanes. Car crois-moi, j'ai des soucis dans la tête. La passe loin d'ici. Vive mourir comme un fils honnête. Vive mourir comme un fils honnête. Richie, what up? Saisis ton avenir, saisis-le à demain. Tu meurs aujourd'hui, on t'oubliera demain. Esprit noir négro 00S licence to kill NE Fougère d'eau 100% rap français planète rap. La nocturne okay. Yeah, all carry. Ça c'est pour ceux qui savent. Génération 87, check. Yo. Parce que la vie se corse, parce que je suis plus un gosse. Parce que sans cesse je bosse en me demandant ce que je gâche mes forces. Lorsque ma haine m'aide à survivre, qui m'aime suivent, nouveau slogan. Vivre libre à paix pour vivre du fil à retordre de grand. Parce que les coins où je vis, où tu vis sont mystiques et les. Parce que les gens sont fêlés dans la foule, le diable s'est mêlé. Parce qu'on en a marre, parce qu'on gère du genre art. Parce qu'il y a moins de taf pour les raps, ça et le noir. Parce qu'on se entre nous une sorte de contrainte. Et certains font les fous, les zoulous, ensuite portent plainte. Parce qu'on s'aime pas, Et puis on fait style de s'aimer parce qu'on se gêne pas. Faut traiter ta mère de traîner parce qu'on fixe tester. Parce que tu peux y rester, parce qu'il y a plus de respect, chacun se prend pour sa majesté. Parce qu'il y a plus de confiance à qui faire de confidence. Parce qu'on a tous craqué et qu'on a plus de conscience. Parce que c'est la merde, mais je le dirai pas. Parce que faut tout niquer, mais ça aussi je ne crierai pas. Parce que c'est toujours la même histoire, parce que je rêve de gloire. Parce qu'on veut ma peau et ça me désole, car la plupart sont noirs. Parce que j'ai pas le bac, très peu long dans mon équipe. C'est d'être un bon type, faire des bifs avant qu'une balle m'abatte. Au fuck life, parce que maintenant on grandit plus on vieillit. Au fuck life, car c'est la merde, c'est la merde au pays. Égalité, je demande à voir, parce qu'on veut nous avoir. Parce que j'ai honte de moi lorsque j'ai vu mon père au parloir. Parce que les jeunes traînent, les jeunes saignent, y'a trop de haine. Parce que les jeunes se plaignent, les jeunes saignent, la coupe est pleine. Parce que trop m'arrive en même temps. Parce qu'on peut crever bêtement pour une clope ou même un vêtement. Parce que je sais qu'on s'en sortira pas tous. Parce que j'ai la haine de vivre que j'envoie sur à pas tous. Parce qu'on est catalogué délinquant. Parce qu'il faut s'en sortir, se réveiller, ça c'est dès maintenant. Parce que c'est mystique pour chacun, je serai jamais à la fac. Je t'avoue, je craque, la rue j'en ai ma claque. Parce qu'il y a plein des nôtres, on s'en prie. Big foot, Bob, Sammy, tout fixe, les bons, je vous en prie. Parce que des fois c'est bien, mais là y'a trop de bordel. CNN, Besson, Evry, Green et Corbeil. Parce qu'on se tape, on se plante, toujours des querelles. Putain, y'a n'importe quel moment, putain, la vie j'ai peur d'elle. Parce que je suis tenté par les tentations, bien par les fréquentations. Parce que j'exprime ma rage dans le hip-hop à fond. Parce que tant que j'y vrai, l'agression verbale sera. Les fonds, on les écrasera. Celui qui me croit pas verra. Parce qu'on veut tous le million, parce qu'on veut la rébellion. Alors qu'entre nous on se nique, y'a aucune union. Parce que je ne suis qu'un nègre dans la société. Parce que d'où je viens, les jeunes ne boivent pas tous en été. Parce que ça vend des saves, devant les autres on bave. Parce que ça c'est corse et c'était beaucoup mieux avant. Parce que j'ai plus confiance en son père. Au microphone fier de moi, j'ai stoppé de faire le gangster. Parce qu'il y a la pression constante, pas de cool, pas de taf. Parce que j'aimerais que ma mère soit contente. Parce qu'on n'est pas dans le même clic. Parce qu'il faut que mes techniques, en bref yo. Parce que la vie c'est technique. Parce que la vie c'est technique. Parce que la vie se corse. Parce que je suis plus un gosse. Parce que sans cesse je bosse. En me demandant est-ce que je gâche mes forces. Je quitte le mic, une solution de décompression. Et c'est la tension. Parce que la vie se corse, parce que je suis plus un gosse. Parce que sans cesse je bosse en me demandant est-ce que je gâche mes forces. Je quitte le mic, une solution de décompression. Mais c'est la tension, le cap qui fait toute notre attention. Parce que la vie se corse, parce que je suis plus un gosse. Parce que sans cesse je bosse en me demandant est-ce que je gâche mes forces. Je quitte le mic, une solution de décompression. Mais c'est la tension, le cap qui fait toute notre attention. Parce que la vie se corse, parce que je suis plus un gosse. Parce que sans cesse je bosse en me demandant est-ce que je gâche mes forces. Je quitte le mic, une solution de décompression. Mais c'est la tension. Parce que la vie se corse, y'a you par où on s'attend. Planète Rap, la nocturne. Mitch Buchanan. What's up? Neige, what's up? Yeah. On est devenus des dealers parce que la vie c'est compliqué. 00S, licence Tokir. Bien trop de mes potes sont impliqués. C'est compliqué de viser. On active S, les dissers. Faut que le lycée, c'est compliqué de composer le 17. Mais certes, on est peut-être susceptible. Bandit, mais tu sais qui. C'est compliqué de grandir quand t'as pas de quoi faire pousser qui. Encore plus quand tu te rends compte que t'as vieilli, c'est plus les potes. Qu'au final, c'est mieux l'école et que t'as l'âge de perdre des potes. Que chez toi, c'est devenu bad. Que le daron part en couille. Donc tu squattes les alentours car des fois même ça parle en coup. Ouais, parfois ça part en tarte entre tes parentales. Compliqué voire parental de voir le conflit parental. Mais bon, nique sa mère. Préviens-moi si sa mère, yeah. C'est compliqué d'élever des gosses avec un petit salaire. Maman, pour gérer le stress, je crois que t'as un don. J'savais pas que la vie c'était compliqué. L'intention de décoller du sol, débloquer une somme et m'arracher loin d'ici. Décoller du sol, débloquer une somme. C'est loin d'ici, c'est ça que je savais. C'est compliqué de faire évoluer sa personne. C'est ça que je savais. C'est compliqué de faire évoluer sa personne. arrêter de croire en la vie quand tu crois pas trop en l'amour. Jeune fille, je voudrais me poser mais j'ai plus le temps de faire la cour. Je vis là où les femmes sont prêtes à tout sauf devenir nonne. Bien facile de faire un gosse, plus compliqué d'en faire un homme. Sache que je ne hais pas, je ne trahis pas, j'ai qu'une rôle pas. Compliqué de faire confiance. Docteur Beriz, what's up mon gars? Twin Tower, toi-même tu sais. J'ai des principes, mais vu la haine que j'ai, je pourrais tirer sur plus de 13 flics. Mais compliqué de le faire comme de retourner ma veste. Mais tout va bien tant que le soleil se lève à l'est. Mon poids dans ma capitale, c'est devenu Far West. T'as bien que je devrais me prosterner sud-est. Des grands soirs de décoller du sol, débloquer une somme et m'arracher loin d'ici. Décoller du sol, débloquer une somme et m'arracher loin d'ici. L'Institut, what up? Si seulement tu savais. Section, what up? C'est compliqué de faire évoluer sa personne. Sors les briquets et les massas, histoire qu'on fume de l'air. Merde, c'est compliqué de voir comment ma jeunesse fout en l'air. J'ai des diplômes et un faussaire, mais je trouve pas d'employeur. Donc parfois de ma fenêtre, je suis tenté d'allumer le convoyeur. Mais c'est archi compliqué d'élaborer un plan. Quand t'es pas blanc, bien plus facile d'élaborer un camp. À Paname c'est compliqué, les taupes se multiplient. Donc on est multibise pendant que les keufs exercent leur multiprise. Merde, je veux pas que mon fils naisse man dans le business, non. Je veux pas non plus de leur prime d'intéressement. Je veux ma petite villa en Espagne et puis de quoi vivre en été. Je sais pas si j'aurais pris cette life si j'avais que c'était compliqué. Décoller du sol, débloquer une somme et m'arracher loin d'ici. Décoller du sol, débloquer une somme et m'arracher loin d'ici. C'est compliqué de faire évoluer sa personne. Si seulement tu savais. C'est compliqué de faire évoluer sa personne. On va te partir, mais à vrai dire c'est con. 00S, licence to kill, disponible sur iTunes. On va te partir, mais à vrai dire c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. On rêve de partir, mais à vrai dire c'est compliqué. On rêve de partir, mais à vrai dire c'est compliqué. On rêve de partir, mais à vrai dire c'est compliqué. Steve Fresh, what up? C'est compliqué. Za, what up? Mo Black, what up? Rictus, what up? Frank, what up? Topuros, what up? Joss, what up? Garvey, what up? Takeshi, what up? C'est la Nocturne et au contrôle de la Nocturne, Esprit Noir avec son projet qui sera dans les bacs dès lundi. À pas louper. Dès lundi, pas dans les bacs, Fred. Oui, pardon, digitalement voilà. Dans les bacs. Ouais, parce que tu vois, Miskin, il y a déjà, ils vont se déplacer, ils vont pas le trouver, ils vont péter un plomb. Digitalement. Donc, voilà, digitalement sur toutes les plateformes de téléchargement, les gens pourront trouver, cliquer et se procurer le CD, l'EP. Enfin, bah, allez-y, dès maintenant, on peut le précommander donc. Voilà, exactement. C'est disponible sur iTunes dès maintenant. Il suffit de cliquer dès ce soir avec le morceau, bah, on en parlait tout à l'heure avec Neige. Ouais. Compliqué. Voilà, donc c'est un résumé un peu de tout ce qui est compliqué à mes yeux. Donc voilà, je suis accompagné de Neige, qui est une chanteuse du label Nouvelle École. Et voilà, bah, grosse prod de Mitch Buchanan. Il y a un autre artiste de Nouvelle École qui est là, qui s'est glissé. Ouais, il y a Fresh qui est là, juste à côté. Si le Fresh est passé. Ouais, il est là. Faire un petit coup, bah, tu veux présenter un peu aussi les gens qui sont autour de toi, si tu veux. Et... Ouais, bah alors, il y a Mo Black. Qui est producteur du label, qui me regarde. Qui est producteur du label avec Za. Voilà, c'est les deux associés, tu vois, deux grands frères du quartier. Il y a Steel Fresh, donc voilà, que les gens connaissent, qui a sorti un album qui est toujours là, Marche au rêve. Il y a Mitch Buchanan, a.k.a. Malais, qui est beatmaker, qu'on peut retrouver sur deux morceaux, enfin sur l'intro de l'EP et sur le morceau compliqué qu'on vient d'entendre. À ma droite, il y a Jeezy, aka Mr. Franglish, voilà, qui m'accompagne sur scène et qui est un très très bon rappeur aussi. Ensuite, à côté, il y a Takeshi qui est un beatmaker aussi qui arrive lourd. Et Kerbizi, voilà, c'est le staff. Ouais, j'ai demandé qui est. Et Lazamizi aussi qui est pas loin là, parce que je vois pas dans mon angle de vue, mais il est derrière, voilà. Il a mon dos, tu vois. Il surveille tes arrières. Voilà, exactement. Bon, j'ai demandé qui a bossé avec toi dessus sur les prods, donc. Alors sur les prods, tu peux trouver donc Mitch Buchanan, qui est un beatmaker du label NE. Tu peux trouver mon poteau Amso. Tu peux trouver un gars du Sénégal, ça fait plaisir, qui a travaillé sur Skyfall, Vasi Music. Dédicace d'ailleurs à Kamal et Spike Miller. Tu peux trouver Grimmy Kid, tu peux trouver le DJ Belek sur Licence to Kill, tu peux trouver Sonar sur Un Sac Plein d'Oseille, Richie Beat sur Vivre et Laisser Mourir, ensuite Dope, tu peux trouver Black Stars et Mr. Punisher, tu peux trouver sur Killa Mega de 70 centilitres et sur le morceau nécessaire aussi 70 centilitres. Voilà. On repart sur quoi alors, Esprit Noir maintenant On peut mettre le morceau de la section d'assaut. J'ai pas les loves. Ouais, en parce fait, il a une histoire particulière. Ouais, il a une histoire particulière. En fait, c'était c'est le premier morceau que j'ai entendu de la section. Je me rappelle, j'étais avec Abou de Beng et mon poteau Youssou. On était parti écouter au mix l'album L'école des points vitaux. Et c'est le premier morceau qu'ils nous ont fait écouter dans un gros studio. Donc voilà, c'est une petite un histoire. Souvenir, ce morceau. Te souviens, ouais, c'est un gros souvenir. C'est un gros souvenir. Eh ben on l'écoute maintenant. Voilà. J'ai pas les loaves, section d'assaut. Yeah, yeah. La nocturne, esprit noir au contrôle. Yo, section voilà. La daronne de son HLM pour Raf. Puis voir la petite sœur charbonner chez H&M. Courage, mettre à l'abri mon entourage. Juste le temps de l'orage. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, en tout cas ça soulage. Un mariage digne de ce nom, digne de chez nous. Rouler dans une de ses gaufres, pas une de chevaux. Les mêmes questions, réponses, toujours pas de taf. Cousin, c'est pas comme si j'ai pas de faf. Les faux tours au-dessus de ma tête guettent la moindre blessure. Un peu de zèbre pour faire le tour du monde sans aucun plaisir. Faut l'insbit MacGyver quand y'a pas de lové. Dis-toi qu'il y en a qui attendent la pute dans le seul but de se laver. Pour la barre complète, j'ai même pas posé une brique. J'y mettrai pas les pieds, ne serait-ce qu'une nuit. Les mêmes questions, réponses, toujours pas de femme. T'inquiète maman, c'est qu'une question de taille. Je voulais faire de grandes études. J'ai les aptitudes, on m'a dit pour sa folle étude. Mais j'ai pas les loups. Les huissiers ont menacé de m'expulser, je les paierais si j'avais assez. Mais j'ai pas les loups. Je voulais faire de mon père un roi, de ma mère une reine, leur construire une baraque au bled. Mais j'ai pas les loups. Je veux l'épouser, tout plaquer me poser, donner la dot que son père a imposé. Mais j'ai pas les loups. Mais j'ai pas les loups. Monsieur Diallo, votre enfant a des capacités. En gros c'est une merde, mais moins que des capacités. Tous ces discours m'ont emmené au bac pro chômdu. Et sans taf c'est la hesse et tout le monde sait que le manque de somme tue. J'ai grandi près des quartiers sales et de la place Vendôme. Mais j'ai compris que mon pote richesse en fait n'était qu'un fantôme. Alors ça a fait de moi dès le squatteur de tes gouttes. Et maintenant je veux squatter les banques car sans une personne va t'écouter. Je veux plus que ma mère frotte le sol, je veux qu'on frotte son dos. Je veux mettre aux chiottes les factures à rire, mais y'a qu'un seau d'eau. Je veux nourrir toute la misère car les petits agonistants. Mais mon frigo se mange des hagras comme les refs d'Afghanistan. Le Sénégal m'attend, mais merde, y'a pas les loaves. Donne-moi du bif et je fais danser l'Afrique même sur Yakalelo. Je voulais du khalis pour refaire les routes du double. Mais fuck, à la base on utilisait tous nos deux pieds. Je voulais faire de grandes études, j'ai les aptitudes, on m'a dit pour sa folle étude. Mais j'ai pas les loaves. Les huissiers ont menacé de m'expulser, je les paierais si j'avais assez. Mais j'ai pas les loaves. Je voulais faire de mon père un roi, de ma mère une reine, leur construire une baraque au bled. Mais j'ai pas les loaves. Je veux l'épouser, tout plaquer me poser, donner la dot que son père a imposé. Si ça survit, ça cascade, ça manœuvre comme ça peut. Les gueufs te soulèvent si t'as pas les bonnes sapes. Puis c'est comme ça que tu retrouves des petits qui se connent, consomme de la veu, opère en bande ou bosse à deux. Donc il faut mettre de côté pour la baraque au bled. Ici il fait trop gris, tes morts sont ton paraproblème. Mais pour ça j'ai pas les loaves, je dirais pas que j'ai pas l'étoffe. Mais tu vas où avec le salaire d'un passeur de balai brosse? Combien de potes m'ont dit gros j'ai un budget? Des idées, je veux monter ma te bois, mais j'ai pas le budget. Et le petit du Tiex qui trise mais le ballon, c'est daron, non il est rond, ni les bras longs, il les rendrait tous ouf au centre de formation. Mais on va pas se mytho, le petit va faire maçon. Quant à moi, je rêve toujours de ce palais que j'offre à la daronne. Mais pour l'instant, j'ai pas les loaves. Je voulais faire de grandes études, j'ai les aptitudes, on m'a dit pour sa folle étude. Mais j'ai pas les loaves. Les huissiers ont menacé de m'expulser, je les paierais si j'avais assez. Mais j'ai pas les loaves. Je voulais faire de mon père un roi, de ma mère une reine, leur construire une baraque au bled. Mais j'ai pas les loaves. Je veux l'épouser, tout plaquer me poser, donner la dot que son père a imposé. causer. Puis j'ai pas les dos, seul dans le noir, animé par l'espoir, obligé d'y croire. La foi, tu n'as pas dormi de la nuit. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu n'as pas dormi, tu n'as pas dormi de la nuit. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu n'as pas dormi. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. 001 licence tout kill. Atisinto, what up? Quoi je caille sec, pas la main tracée, qu'on se déplace à 7, le faut 3-5-7, négro pas sincère, que je replace un 7, pendant que ma sassem, tape des 5-4-7, 4-4-2, ouais je suis capable, négro passe la beuh, on les frappe à deux. Sors du ghetto, tout droit des blocs de ripa, ou sort de garde à sort là c'est on ne sourit pas. Vu que dans un bloc on pense dans l'art comme Disney, on prend quand même ta peau, même si elle est pas trop dismée. Je suis pas trop lissé, pas trop tissé, triple frappe comme scène policier. C'est qu'ils sont des thugs, des loups. Serre Jacquemin, esprit Renoir. Yo MC tu me fous quoi. Je te veux des sommes en pile-hal. Range seul comme G.I. Entraîné comme un G.I. Pick up au clan des G.I. A peine nous les teigneux. On a plus des peines eux. Mais qu'on soit pas N.E. Bouge au son de la N.E. C'est quand si j'ai des rics sa mère. Je peux pas bosser pour un petit salaire. Si t'es clan photo je pourrais descendre photo. Préviens toi MC qu'on lui nique sa mère. C'est ça que c'est business et se destine. En plus ça dit traitement par la window. Fin 2013 et ta d'esprit. Tu sais ça pour 100 kilos qu'elle passe à gringo. Je reçois pas L.E. Je reçois pas L.E. Je reçois pas L.E. Je reçois pas L.E. Sur un beat, j'suis un placard. J'attaque à taf. Cousin, mon son vient de Dakar. Pas de blague, ma cam et des tatas. Oui, le 7-5 te crève, te laisse à plat. On développe des trucs discrets que tu vois pas. J'attends que te baigne le hat sur du carta. T'as pas idée de la porte de la tape pas. J'abat MC Bat. Va dans le 4-4, ton 4 gars qui gâche, qui craque ou qui jacasse. Ma caille, sa maille, sa canne, sa canne, sur le beat comme un rapace. J'ai des copines, coquines, conquises, conquises dans ton pin. On deal, on deal, on tease, ensuite on enfile le smoking. On en toi-même, tu sais, on en a vu dans les toilettes, tu sais, pour des plaquettes. 7-5, t'inquiète, on vise les sommes, prends dans tes hommes, font des claquettes. C'est fil propre, beat prod, hip hop, beatbox, mon pote, nique la big shot. Mon rap, big shot, je nique l'anti pop. Amène des matchs, il me reste 8 clubs. Wifi, tous illicite, amène tes seufs, on te liquide. C'est l'équipe, c'est qui, c'est qui. 7-5, mon pote, que tu m'expliques. Posté au fond de la classe, sur l'IA, y'a des absences. Ouais, j'ai une chair, comme un café noir. Souvent dans une tasse blanche, nègre. Comme un café noir, souvent dans une tasse blanche. Comme un café noir, souvent dans une tasse blanche. Comme un café noir, souvent dans une tasse blanche. Comme un café noir, souvent dans une tasse blanche, nègre. Négro, sois pas L.E. Je sens la L.E. Négro, sois pas L.E. Je sens la L.E. Négro, sois pas L.E. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Yeah, pour tous mes gens, 00S, licence to kill. Check. Don't explain, you never change. Same old thing, same old game. Say you want to be with me. Show me my ring, baby, let me think. How do you expect me to ever believe you won't be with me? While you are in my way. Pour tous mes soldats de Fougères, sans exception, mon pote, on est ensemble. Tell it to her, don't say it to me. Cause I know I'm in control. So tricks up for kids and boom too old. Go ahead with your game. Never come back to me again. Where you go, remember me. I'm the best thing in history. Why? Can you pay my bills? Let me know. Let me know. S, l'essence tout chill, disponible sur iTunes. Zigzag, zigzag, oui j'ai dû zigzaguer. De comète en planète, ta salopette rosaguée. Shoot dans les canettes quand y'a plus de bisous. Plus de baisers, plus de bis, juste un bis, bis de bijoux. Tu veux du clean, clean, clinquant, oui vite ton pack sale. Top du top, rien que ça, plus merco classa. Je braquerai les banques toutes, puis ferai banqueroute. Boufferai des casse-croûtes juste pour paver dehors ta route. J'aurai à cash-cash pour trouver le cash. Userai de la calage, de la tchatch, vendrai même du hash. Dollar, plus jet set, clean, honnête et net. T'offriras des tasses coupées pleines de petites pépettes. J'aurai les poches vides, porterai le même jean. Lèverai mon verre à la tienne, tu diras chin chin. T'auras tout ce que sur terre le soleil fait briller. Jouera au Monopoly avec des vrais billets. Solar Roller. La nocturne. L'institut vous rap. Applaudissez l'institut et ici Ascu. Enferré. La violence est gratos. Watch out. Laisse-les parler de nous. Laisse-les parler, laisse-les parler de nous. Le 3 juin dans les bacs. Laisse-les parler, laisse-les parler de nous. Vas-y, laisse-les. L'institut frappe. Laisse-les parler, laisse-les parler de nous. Assez-toi-t-il. Laisse-les parler. Hugo, je te nique ta mère. Fais pas semblant de te marrer. Ici, le respect se perd. Mais il est pas prêt de s'en aller. Pas besoin d'être visionnaire. Si on tombe, ils vont se marrer. Si on monte, ils vont nous haïr. Difficile de nous induire en erreur. Dans ma tête, des passes plus lourds que Errol. L'institut frappe pour des jours meilleurs. H24 ans, train de les semer. Équipe de nuit, écoutée par les veilleurs. Chez nous, pas, je suis mes hawaïennes. Veste en cuir comme les Warriors. Bien plus haut que la moyenne. Obligé de signer en major. J'suis dans un game de fou. Genre de gouffre, comme un coup. J'rampe, le jam fait la cour. J'vois pas le bout, y'a des sous. Vent, j'marche avec des sourds. Regarde trouble qui te trouve. Le vent te met pas sur notre route et indique-nous. Planqué doux, j'aime quand mon inspire s'amplifie. Je réfléchis comme un scientifique. N'importe quelle galère, je l'anticipe. Si t'as le bras long, je le rétrécis. Ils deviennent insolents ici. Dès qu'ils voient insolents qui signe, je me contente de rester précis. J'ai plus d'un son en cuisine. Laisse-les parler de nous. Nigga. Laisse-les parler de nous. Laisse-les parler de nous. Nigga. Laisse-les parler de nous. Et ton clignotant à toi, ton bal est doublé sur la gauche. Et ton clignotant à toi, ton bal est doublé sur la gauche. Et ton clignotant à toi, ton bal est doublé sur la gauche. Laisse-les parler de nous, mon pote. Ouais, les parts. Ouais, les parts. Ouais, les parts. Si ça part, personne nous sépare. Torse bombée dans l'arène, en deux couches décapite l'arène. Au final, c'est la même. Vos soldats, on les malmène. Si l'ennemi te menace, c'est que l'ennemi est tenace. Si l'ennemi est tenace, nègre, deux fois mieux de le terrasse. Un peu de sauce, un plat de kili. J'crois qu'on va les kili. Yes, t'es la frappe viril. Nègre, va chercher ton vinyle. Au début, l'histoire peut être banale. La fin peut s'avérer fatale. À bout de bengla, rafale, naval. Rime avec les putes cavales, aval. J'sens qu'il y a un... J'sens qu'il y a un malaise. Tu sais que l'équipe est sous des balaises. À l'aise pour tes jeux de la falaise. On connaît la débrouille. On mène une petite vadrouille. Plus m'écrase qu'une patrouille. H24 tal comme des gargouilles. Laisse-les parler de nous. Le froc baissé jusqu'aux genoux. Depuis quand les lions se chamaillent avec des gnous. Laisse-les parler de nous. Nigga. Laisse-les parler de nous. Laisse-les parler de nous. Nigga. Laisse-les parler nous. Mets ton clignotant à droite, on va les doubler sur la gauche. Mets ton clignotant à droite, on va les doubler sur la gauche. Mets ton clignotant à droite, on va les doubler sur la gauche. Laisse-les parler nous. Oh merde, ces bâtards m'ont pris pour Homer Simpson, ou Smith et Wesson. J'allumerai Fomer. Ce que commettent les commères donne envie de vomir. Je connais mes limites, j'insulte pas vos morts. Je distribue des rimes comme la justice distribue des peines. Ces fils de chiens veulent que je donne des blagues. Je leur ai dit, je lâche des femmes. Je déclenche un cataclysme, même en étant chariste. Méga ou le charisme. En cas de conflit, t'inquiète, pas possible qu'on flippe. À base d'hip-hop, gore fils, j'avance avec mes propres fils. Je gère mon entreprise, sans numéro de sirène. Ça s'arrête, c'est le trou, je t'envoie mon numéro d'écrou. À force de vivre sur le bitume, faire la guerre, on s'y habitue. Cette vie de merde, je mène à l'envers, mène à l'enfer ou être abattu. La plupart de tes guerres pour moi ne sont que des petites batailles. Détard, quand j'ai la flemme de me pétacher mon pétard. Laissez parler nous. Nigga, laissez parler nous. Laissez parler nous. Nigga, 00 S 600 Stukin. Mets ton clignotant à droite, on va les doubler sur la gauche. Mets ton clignotant à droite, on va les doubler sur la gauche. Mets ton clignotant à droite, on va les doubler sur la gauche. Laissez parler nous. Nigga, parisien, parisienne, français, française, 00 S licence to kill. Check. C'est la Nocturne 100% rap français au contrôle de la Nocturne. Esprit Noir avec nous. Avec le projet qui va sortir lundi, digital, voilà, lundi uniquement. 28 avril en digital uniquement. Voilà. Et Esprit Noir avec l'Institut. Ouais, à l'instant. Laisse-les parler de nous. Laisse-les parler de nous. Ouais, laisse-les parler de nous. Et puis il y avait aussi un choix, c'était celui de Missy Elliott avec Solar. Ouais, avec Solar, grand classique, grand classique. J'étais petit, je connaissais. Tu te souviens des zigzags, zigzags. Zigzag, zigzag. Oui, on fait que zigzaguer. Hein, de comète en planète à salopette aux aguets. Ah, terrible ce morceau. Ouais, laisse tomber. Ouais, le remix de All in McGrill avec Missy Elliott. Voilà, gros remix et franchement, il a grave tenu la route donc. Je voulais saluer la performance dans la Nocturne, tu vois. Et bah, la Nocturne, c'est avec toi. Dans un instant, il y aura du live aussi à pas louper. Ouais, ouais, un peu de live avec l'équipe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On part sur un extrait du EP? On va partir sur un extrait du EP. Est-ce que tu peux me mettre. Dope. Ouais, dope. Ce serait bien. Ouais, dope. Sur une petite ambiance jamaïcaine, tu vois. Voilà. Et bah, très bien. C'est le son de la Nocturne. Ouais, ça, c'est pour mes fumeurs et fumeuses. Hein, Fred. Avec modération. Ouais, non, tranquille, prohibé. Allez, hop. Le fou, bien le terror. Esprit noir, mon frère. Esprit noir dans la Nocturne ce soir. Flow, phase, métaphore, allégorie. 00 S. Do. Fougère d'eau. S licence to kill, disponible sur iTunes. Check. MC t'es chaud, viens on se la donne, le temps d'un freestyle. Je te mets à poil comme s'il y avait du diage, pétant ton cristal. Mon flow attire les petites tasses, efface les petites tâches. C'est fougère d'aube sur mon étiquetage, toute mon équipe passe. De Paris à MTP, on finit game en MVP. On shoot à 3 points, switch. Producteur de CD, ayant des potes décédés. Je fréquente rouleur de CB et arracheur de CB. 7-5, protège ta mère et ta tête zinc. Je suis tout droit sorti d'une arène, y'a personne qui m'arrête. Surtout pas toutes tes merdes zinc. Ancien découpeur de la même, venu pour te la mettre. On n'est pas de la même trempe, mais on n'est pas de la même mule. Surtout pas de la même mort. Je suis genre de type qui te met une trempe ou bien une trempe en moins d'une trempe. Sur nos armes on a plus le cran, on a plus de grand, on a plus le temps. Il est minuit, je sors d'une garde, je fais mes lacets. Le PJ m'a menacé, mais au final m'a relaxé. Bitch. J'amène le son qui sort des blocs. 00 S pour les fucks. J'écris mes pros au boom des clocks. Et si ça marche pas, je retournerai bonne de là. J'amène le son qui sort des blocs. 00 S pour les fucks. J'écris mes pros au boom des clocks. Et si ça marche pas, je retournerai bonne de là. Authentique, on fait de la zig, un peu de dopage. Y'a de la liqueur, mais jamais de meuf se perd dans l'œsophage. MC v'là le flow de bâtard et pas des paftards. J'ai des refrains qui sortent du placard. Et d'autres des Dakar. Moi, je suis à la barre du Sénégal. Je tombe comme un NASCAR. 221, business, on est ensemble. Je pose avec fracas. MC, tu veux me tester, ramène tous tes types. Du 1 au 11, j'épargnerai personne. Je vais farcir toute l'équipe. Hey. J'écris chaque strophe sur le rugissement de chaque crosse. Pour fouiller nos petites sacoches, va falloir que les flics s'accrochent. Faut qu'il pèse sa torche. Deux, faut pas qu'il parle mal. Trois, on est quatre. Et on est quatre, est-ce que tu capes, man? Ici c'est Jamaïca. Prince Marie Monica, on peut te la mettre bonita. Sur un air d'harmonica, conscient qu'on peut être un de moins à chaque dîner. Ici ça plante ou ça arrose, pourtant y'a pas trop de jardiniers. J'amène le son qui sort des blocs. 00 S pour les potes. J'écris mes pros au boom des blocs. Et si ça marche pas, je retournerai vendre de la. J'amène le son qui sort des blocs. Fougère 00S, licence to kill. J'écris mes pros au boom des blocs. Et si ça marche pas, je retournerai vendre de la. Planète rap 100% rap français. N motherfucking E. Still motherfucking fresh. Marche au rêve, mon pote. Yeah. Paname côté S. Style fresh, t'es toujours best. Non, viens pas nous check. Si t'es fuite, t'es une best. Matin, midi, soir, on est là. On fout le gars, on fout de hella. Matin, midi, soir, on est là. On fout le darwa, on fout de hella. C'est ça ou pas les gars. C'est ça ou pas les gars. Dans le sous, on fait des sous, que ce soit ou pas légal. C'est ça ou pas légal. C'est ça ou pas légal. Dans le motherfucking sous, on fait des sous, que ce soit ou pas légal. J'suis pas un bénévole hypocrite. Y'en a fraîche là pour mailler. J'te sens dès que le gong retentit. Ali pour mailler. Un peu de buzz et ça joue les stars. Tu seras qu'une étoile filante. Et puis pareil que quand y'a de l'art, tu deviens une racaille filiante. J'm'en tape du succès d'estime. T'es forcé de passer par là. J'veux être un chômeur richissime. Comme Nicolas et Carla. On passe longtemps à pilonner. Tous dans la mer depuis qu'on est né. Solidaire donc je fais mes nez. J'vais m'en mêler quitte à me faire mêler. N.E. aussi impressionnant qu'une meuf qui fait la sécurité. Je ne comprends toujours pas comment t'exploser vente alors que t'es tout pété. J'monte le beat en l'air pour être millionnaire. Ouais ça rappe dans les fous. Ici on parle de tout et de rien mais évite de parler pour rien du tout. Cette mousseau là je la peux. Donc mon petit copain en queue. Ceux qui me sortent de la merde. Je me jetterai dedans pour eux. J'rêve des Valangori à Cassie. Adriana 42. En enfer on se précipite. Info marque près feu. Paname côté est. David Subaru Dixon Wulep. Si tu fuites tu baisses. Matin midi soir on est là. On fout le gars on fout le hella. Matin midi soir on est là. On fout le darwa on fout le hella. C'est ça ou pas les gars. C'est ça ou pas les gars. Dans le zoo on fait des sous que ce soit ou pas légal. C'est ça ou pas les gars. C'est ça ou pas les gars. Dans le motherfucking zoo on fait des sous que ce soit ou pas légal. Y'a les fuck 22. Cache la meuf où tu peux. Des rappeurs amènent l'un d'eux. Que je le vis au moins d'eux. Style fraîche machine. L'objectif mettre des chiffres. Mettre des chiffres. Mettre des chiffres. Comme les cubes à mettre Kims. Qui je représente moi c'est les rats. Rap c'est facile comme accélérer. Ce qui me motive moi c'est les roues. Et ce qui me freine ben c'est les règles. Vas-y fraîche rends les fous. En HP ce frère rendez-vous. Je te prends pas au sérieux fond bout. C'est à qu'on équipe que tu te défoules. Moi je fais le boulot. Ouais je rappe de malade et ça les rend fous. Il paraît que c'est en boîte de nuit. Que le haram voit le jour. Tiens donne tout. Beaucoup de têtes cramées qui agissent en silence dans nos fous. Vive comme des sous. Bébé fais pas la meuf carré sa chuchote qu'on t'a fait le tour. Si les regards courent. Même souriant fait clipper les passants. Le pack nous a baissé. Comme des putes en nous entassant. J'suis le futur en scène père. Ils l'avoueront d'ici peu. Et le quand t'embrasse mon ex. C'est comme si tu me suçais la queue. Style fraîche Paname côté est. Style fraîche t'es toujours best. Non, viens pas nous check. Si ton flûte tu baisses. Matin, midi, soir on est là. On fout le gars, on fout le hella. Matin, midi, soir on est là. On fout le darwa, on fout le hella. C'est ça ou pas les gars. C'est ça ou pas les gars. Dans le zoo on fait des sous que ce soit ou pas les gars. C'est ça ou pas les gars. C'est ça ou pas les gars. Dans le motherfucking zoo on fait des sous que ce soit ou pas les gars. Gros c'est la NE. Prends pas la NE. On est dans le game. Sont dans la motherfucking E. 7-5 Fougère XX. C'est ça ou pas les gars. Marche ou rêve. Marche ou rêve. Future best. Rap français, planète rap. La nocturne. Hey, hey, DJ Berek, what up? Car, what up? On a fait tes billes, prends tes pas. J'aime agir, pas les pas. Écoute le scud, prends des baffes. Tu veux le sbeul, prends mes gars. En 2-4-6 et contre 3-5-7. Drive by speed dans une 407. Mon son résonne, donne jusqu'à 7. Dans 5 piges, je ferai prendre vos têtes. Si ça tape dur, y'a de la pure. Y'a de la com, y'a de la bonne. Genre l'album, que si t'achètes. Et genre ma beat, que si t'es bonne. J'suis pas chinois, mais j'bosse à la chaîne. J'suis pas en chien, mais y'a plein la chienne. Et ça broquille, j'ai pas ça, ça sème. Gentil insigne, que c'est pas Tarsène. Y'a l'alcool de base, joint de bœuf. J'reviendrai si tu me loupes de peu. Pareil que t'es le meilleur. Laisse-moi rire, moi j'en doute un peu. Ha ha ha, on est sur le terrain. Si tu payes pas, gravite sur terrain. À part la mort et ta chute de rein. Moi baby, bah j'suis sûr de rien. J'suis à l'hôtel, 2-3 tels. Shit, gratte de feuilles, marocain filtre. Je n'ai confiance en aucun flic. Je sors perdant sur aucun fil. Sors le picard et l'ammoniaque. DJ Pelec fait craque mon frère. On laisse la beufra du matosphère. Fait place au meilleur de la stratosphère. Tu nous vois poser. Es-tu capable de nous arroser? Tu nous vois rêver. On est capable d'aller lécher coup. Donc reste mignon Tu nous connais. Tu nous connais pas. Tu nous connais. Tu nous connais pas. Tu nous connais. Tu nous connais pas. Si ça foire, n'oublie pas. Tu nous connais. Fuck le KKK, c'est un plan, 10 000 balles, j'suis au KKK. J'vais pour doubler score, j'ai flow coupé sport. Le rap massif, j'viens pour shooter le corps. Licence to kill, 4 grammes 4, licence to deal. 3-4 taf dans un 4-4 black, sous un 3 quarts noir, j'ai la puissance de tir. C'est esprit, lusty, N-O-I-R. C'est motherfucking faux MC 00S, licence to kill. Disponible sur iTunes. NBA, check. Wesh Renoir, si je suis là, put your hands in the air. A Panam, y'a Sadaka, Chin, Shish Kebab sont les produits inhalés. Tu peux trouver mes gars sur un plan, sur une blonde, sur un quad ou une Harlem. Sans carte ou sans banque, tous nos règlements de compte s'effectuent dans une allée. Une bouteille de champagne, un contrat 5-0 et on t'aimera pour parler. Esprit. L-O-I-R. Tout c'est motherfucking faux MC Flair. J'vérifie en effet, vérifie, on est frais. Wesh Renoir, si je suis là, put your hands in the air. Tu nous vois poser. Es-tu capable de nous arroser? N-E. Tu nous vois rêver. On est capable d'aller lécher coup. Donc reste mignon Tu nous connais, tu nous connais, tu nous connais, tu nous connais, tu nous connais, tu nous connais. Si ça foire, n'oublie pas, tu nous connais pas. 00S, licence to kill. Check. C'est La Nocturne avec Esprit Noir au contrôle de La Nocturne. Ça, c'est extrait du projet. C'est d'ailleurs le morceau qui s'appelle Licence to Kill qu'on a écouté à l'instant. Exactement. C'est le morceau éponyme Licence to Kill sur une prod de mon gars DJ Belek. C'est La Nocturne 100% rap français. Esprit Noir, c'est lundi dans les bacs. Exactement, le 28 avril. Et là, je crois, Esprit, qu'il est temps avant de conclure cette première heure de Nocturne passée avec toi. Ouais. Un petit décrassage. De passer au live, non? Ouais, on va passer au live, tranquille. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Coup d'envoi? Ouais. Dans mon décor, y'a plus d'école, tout le monde est gore. Amène du sky, on pleure des morts. Amène un an, on ouvre des portes. L'argent, ça batte nos rêves, ça passe Noël sans artifice. Et c'est cette putain de société qui offre nos mères en sacrifice. En prison, tu consommeras les pâtes que font les femmes rétales pour ton avenir avec un jerrycan pendant que l'État ricane. On aime se plaindre, mais au fond, notre vie n'est pas si triste. On bataille pour être pacifique, s'établir dans le Pacifique. Ici, c'est H, pétasse et flic, boy. Casse, pécane et fric. Nasri, quoi, n'est type, c'est tout ce qu'on parle. Pétasse et chic, faut-il qu'on braque pour que tu te fies en Dieu. J'ai quelques rimes en E. On discute hap avec un silencieux. La juge mais des peines planchées, je t'avais dit qu'elle est pas commode. Donc c'est la même pour les trois quarts. Et te fous direct au placard. Tu me parles de politique, je te parle de. de flics qui tuent dans nos cités, de cash de banditisme, de schlag intoxiqué, de vraies atrocités, de mecs qui s'attachent à la tâche, qui saccagent ton appart, ensuite mon pote qui s'accapare ta part. L'idée que nos parents le crament, que ma jeunesse saturée craque, se retrouve dans le bloc pour prendre du grade, forcé prôner la bande du crack. Du mal à s'attacher aux filles, on peut pas travailler pour SMIC. Nos crânes, mon pote, sont saccagés au shit, vu qu'ils ont saccagé notre site, l'Afrique est suée un génocide. Sale. Le soir, mon pote, on fait du fric. Sale. 00S, licence tout kill. Sup. Check. 1. 1. Ici mon pote, la drogue est dure, c'est à faire. Code procédure, pour prendre de l'air, faut prendre des thunes, putain. Monsieur Dupont a plus de chance que monsieur Sale pour intégrer une future sale, l'environnement est toujours sale. Pire. On se rend compte que le temps passe, mais la violence elle reste en place. J'vois plus de sang que le temps passe, mon pote. Parce qu'en bas du bloc, ça défouraille, y'a pas que des reux ceux qui avalent. J'en place une pour celles qui travaillent, baby. Parce que pour vivre, il faut du pèse. Combien d'entre nous se sont dû perdre, d'autres entre-temps sont devenus pères, bah ouais. En attendant que la pessimiste, on est devenus des pessimistes qui se précipitent dans le précipice, nègue. Ce que tu capes, Fougère dope, 00S, licence tout kill. Hey, hey. Check, 00S, licence tout kill. On est high, check. Je suis venu pour libérer l'otage, je suis le pro du pilotage. Je suis la lame entre les kilogrammes, les tests des kilogrammes. La tise affecte et vide nos crânes, la ville elle virocrate. Cousin j'emmerde les bureaucrates, leur mère car bureaucrate. Moi je suis plus venu pour l'air la taupe, conçu pour faire la peau. Je regarde le diable qui taffe leur côte, la coque sous ta veuve côte. Monsieur l'agent, de soir on parle pas. Non. Comme une arme, je suis un fils seul qui cherche le son du papa. Renoir G12, la basse qui conne, la classe de Washington. On fait des sommes via taxiphone, tous nos impacts siphonnent. Entends le bruit du chant des vautours. La mélodie des briques est de retour. Rex sur ma route, mais je les contours. L'arme dans les yeux, la menthe les dents, du sang sur les contours. Je te l'ai déjà dit, on boxe en everywhere. Ouais, ouais. Yeah. Tu peux me trouver sur Pana everywhere. On est partout, mec. Oui, dans Costar, souci, cauchemar, Gucci, Coachstar. J'en ai plus rien à foutre. J'arrive en courant dans la foule, par où tout vient la foutre. Sénégal, le marabout, j'ai samplé. J'ai vu le bavard faire des signes, j'ai vu le muet chanter. Aéroport, c'est DG, Kaamelott plaqué DG. J'rave de pétale PDG, on en a pas le PDG. Le poids de mes fautes, mes excès, je paye hors taxe TTC. Forgé par drame et décès, impact de balle et blessé. Cigare t'as ses fessiers. Yo, Guita A, CTC. 00S, licence tout clip. Disponible sur iTunes. 11 titres, 7 clips. Fougère dope, LE. 1, Jizzy. 1, Franglish. Eh, eh, eh. 00S, 00F. Hey. Bitch. 1. Et bonhomme, on a notre propre sécurité, donc fuck les CRS. J'suis dans les soirées, s'il y a du riche et de la CRS. Les hustlers en Twingo rêve du dernier CLS. Merde, c'est dead, trop d'éther, mec, il me faut ma Mercedes. Yes, mec, le coin est urbain, pas rural. Si on se prend des portes, c'est normal que la rue râle. Derrière notre JS 31, se font les plans. Bleu, Boucav, c'est fait cri. Bleu, mauvais père, prend une balle. Bleu. L'argent sale est parfois meilleur que leur salaire. C'est de la gomperie salée, de la frappe salée. Et on doit rien à personne à part au fisc. Ils vont encore nous ruiner ce mois-ci, ces putains de fils. On est là pour faire du pif comme Tini t'aime pas. Je rappe sale, c'est comme ça que t'aimes ou que t'aimes pas. C'est la merde, je fais pas de papier, donc je suis au bout du rouleau. Je vais pas finir comme Coolio, mais le contact, tu parais roule. Jour et nuit, j'enquête avec mes compadres. J'ai que ma mère comme padre, unique, tu peux comparer. Ça parle de plan machiavélique après avoir bu le verre. T'inquiète, j'ai rodable le civil en bu le verre. 00S, licence to keep. Dizzy, Franglish. Bang. Bang. 00S, licence to kill, disponible. 28 avril, la forme de téléchargement. C'est vrai ça, OG. Yeah. Yeah. 00S 00S, licence 00S. Dispo sur iTunes. Le 28 avril. Nouvelle école. Le 28 avril. Style fraîche. Quincy. Préviens New York, Paname Sac. Kick-sack. De quoi faire flipper Gipset. Tu paieras depuis que j'ai 17. Appelle-moi proto-chipset. Faut qu'on s'éloigne de la pisserie. Qu'on touche un salaire fixe net. Je côtoie des dealers fixe mec. Je sais où le soir les fixe mec. Cousin sa pata dure. Yeah. La dope en taux de catapulte. Enfoiré de drogue qui a ta pute. Qu'on a atteint la taille adulte. Qu'y a pas d'héros, très peu d'euros. Du coup des balles pleuvent. À la rentrée on avait pas toujours une paire de Nike neuf. Nique l'argent et l'or. On veut l'argent et l'or. Les bifetons. On a poussé sans qu'un père nous appelle fiston. Si t'es pas prêt, gros reste sur le pas côté, en bref, cesse de ratoter, respecte les gars côté. Du crack des armes en cas de lézard, une pâle tumeur, wesh. C'est Paris Est, un faux semblant de pas tumeur, wesh. Soldat parisien du côté Isaac. Paris Est, tant qu'une aigle, les vrais ou... Je te plonge dans ma réalité, absence de thune d'humanité, précarité, vulgarité. Longtemps qu'on m'ait pu de m'arrêter, le tosma est de qualité. Les types demandent calibrer, sans se qualifier, les trois cœurs peut-être même calibrés. Pas de situation clarifiée, chez moi y'a pas d'égalité. C'est toujours hyper de carité, de plus l'amour est arrivé. Les passages dans la cavité, les hommes défient la gravité. Les femmes demandent la parité, les schlacks demandent la charité. Ah. Peu m'importe, man, d'être starifié. On a fourgué du seum et fait du sale. Pas venu en France pour être oscarisé. Depuis que le jour de gloire est arrivé, l'Afrique a la peau scarifiée. Le shit te parle en billets ou en plaquettes. Quand ta daronne compte ses pièces pour assembler le prix d'une baguette. Constat que les parents saignent, des chances t'en as pas 47. Vu que ta carade est 47, ça shoot à la K47. Authentique, on fait de la zik, un peu de dopage. Y'a de la liqueur, mais jamais de me se perdre dans l'osophage. MC Vla le faut de patard et pas des paftards. J'ai des refrains qui sortent du placard et taux de Dakar. Moi, je suis à la part du dracard, je tourne comme un NASCAR. Business, j'en arrêterai, car je pose avec dracard. Même si tu veux me test, ramène tous tes types. Du 1 au 11, j'épargnerai personne, je me passe sur toute l'équipe. J'écris chaque strophe, ce rugissement de chaque crosse. Pour spouiller nos petites sacoches, va falloir que les flics s'accrochent. 1, faut qu'il baisse sa torche. 2, faut pas qu'il parle mal. 3, on est 4 et on est 4, est-ce que tu capes, man? Ici c'est Jamaïque, Queens Marie Monique. On peut te la mettre bonita, sur un air d'harmonica. Conscient qu'on peut être un de moins à chaque dîner. Ici ça plante ou ça arrose, pourtant y'a pas trop de jardiniers. 00S, licence to kill. Nouvelle école Fujardo. Check. Hey, hey. 00S, licence to kill. Hey. Je bois ce qu'il y a avec Panama 37, on se dépasse à 7, le 357. Je bois ce qu'il y a avec Panama 37, on se dépasse à 7, le 357. Je bois ce qu'il y a avec Panama 37, on se dépasse à 7, le 357. Je bois ce qu'il y a avec Panama 37, on se dépasse à 7, le 357. Je bois ce qu'il y a avec Panama 37, on se dépasse à 7, le 357. Je bois ce qu'il y a avec Panama 37, on se dépasse à 7, le 357. Négro passe en 7, que j'en place en 7, pendant qu'on commence à 7, à 200 cassettes. Hey, 4-4-2, je suis capable de. Négro passe la bulle, on les frappe pas deux. Sort du ghetto, tourne dans des boîtes de riz. On sort des cartes à salle, on sourit pas. Bloqué dans un bac, on passe dans l'art comme Disney. On prend comme un tagomène, c'est les patrotismes. J'suis pas trop lissé, pas d'odyssée. J'dribble les frappes comme scène au lycée. C'est le son des tecs, des louves, des loups et des youvois. Yes, Serrer, Jackman, Esprit Renoir. Yo, M, si tu me vouvois. J'veux des sommes en pile. Grand jeu seul comme T.A. Yes. Entraîné comme un G.A. Big up au clan des G.A. À peine nous les teigneux, on inflige des peines. Négro sans pas haine. Bouge au son de la haine. Ces temps-ci, j'ai les rides sa mère. J'peux pas bosser pour un plus salaire. Si déclenche Toto, j'peux les descendre poteau. Préviens-toi MC qu'on lui nique sa mère. C'est un que ces bis de ce distillant. Fais ça discrètement par la window. Pas 2013 et un despé, tu sais, ça vaut 100 kilos. Qu'est-ce qu'on va tirer vers le haut, au max. Pour planer, j'ai pas besoin de niax. Éviter la vie crade de tox. Ne pas finir en désintox. Aux gens des terres, j'porte un toast à vous si tu dois boire la tasse. Nous, on garde le sourire, même avec rien dans les poches. Pour que le calibre s'enraye, aujourd'hui les frérots déraillent. Et c'est ceux qui t'appellent hey qui demain viendront des fourrailles. Quand on se tire dessus au final on se tire vers le bas. Les aînés disent de faire la paix, peu importe qui fait le premier pas. Ce qui se passe dans nos lives, c'est réel. Belle à Calacam au début c'est bien, à la fin mon nègre ça peut être mortel. Dans la vie c'est étape par étape, bordel. Pendant que les faut étape par étape, hôtel. Pas de limite, détermination c'est ma gimmick. T'as pas capté le thème mais repeat. Dans acéré comme un petit beat. Comme ce diplomate d'Alem, je veux que mes semblables fassent bowling. Que le bif de ma chère Afrique forme des collines. Trop diplômé sans taf, autant qu'un sas de mazole est à sans taf. Toutes les refs, les rushs tirent des tafs. Ils ont parfois envie de tirer dans le tas. J'arrive en balle, je viens d'en bas, j'ai trop la dalle. Je taffe pour WAM, de quoi tu me parles. T'as fait pour toi, ça me ferait trop mal. Ma Ma gueule, je me souviens de ceux qui me regardaient comme si j'avais le das. Aujourd'hui, je l'ai maté, je déguste ma vengeance posée chez Agendas. Ma gueule, quand la mort t'appelle, impossible de rater le RDV. Comment renaître de ses cendres quand on s'est fait fumer? Mauvais élève, toujours 2-3 blâmes. Pour forniquer, toujours 2-3 taf. On veut des yachts, on veut pas tes blâmes. Argent et sale, un peu comme cette cave. J'ai dit coffre, te recale juste avec 2-3 baffes. Un blanc pour des chiffres, faut qu'on ait notre programme. Blanc pour des chiffres, faut qu'on ait notre programme. Par ici, dans les gilets, souvent 2-3 grammes. Des fois, je compte bien forcer le destin. Quitte à tirer par le chignon. Fuck le disco, pas de gamme. Dans mes plages, je veux du filet mignon. Dans tes soirées, y'a pas un chat dans les notes, y'a bla la chat. Dans tes soirées, y'a pas un chat dans les notes, y'a bla la chat. De l'authentique, la vraie, son body dans ses locaux. Du sang sur les chicots d'un lion noir, je te parle de mon futur loco. Méfie-toi de ces gens qui parlent peu, les plus calmes sont souvent les plus locaux. Trop de cartes, trop d'impact, c'est avec que je réveille les femmes et leurs libidos. Je lèverai un puissant zin déformé, détracteurs mes ennemis. Qui comprennent que moi et ma clique, on est parti pour une décennie. Puis tu me rassures en noir si mon cœur les coupes à m'endurcir. Les bâtons doivent les rouler, barrières, les obstacles, elles m'arrêtent, j'ai plein de nuit. Fuck that nigga, fuck. J'en ai plus rien à foutre, man nigga. Je pense qu'il y a à vendre, parce qu'il y a pas trop bénéfice, nigga. On veut sortir de la merde comme caca, avoir des gros seins comme un kata. Faudra que je fuis tout ici, t'es la vente, allez, ça va faire plus qu'avec Casdal. Partez bien de mes deux nuggets, de quoi tu parles, mec? De quoi tu parles, mec? De la forme, zéro fond, c'est naze, mec. Bientôt sur tous les fronts, j'annonce que je vais les faire suer. Bientôt sur tous les fronts, j'annonce que je vais les faire suivre. Sur un bitch, implacable, j'attaque à taf. Cousin, mon son vert de ta carte. D'accord. Pas de blague, ma cam, mais des tas de pas. Oui, de 7-5, te crève, te laisse à part. On développe des trucs discrets que tu vois pas. J'attends que de bang et de hachard du garde-plat. T'as pas idée de la force de la tape pas. J'abat, c'est pas, je ne bat pas. Une batte dans le 4-4, en 4-4, qui casse, qui craque ou qui jacasse. Ma caille, ça caille, ça maille, ça cadre, ça cadre. Sur le beat comme rapace. J'ai des copines, copines, conquises, conquises quand on pine. On deal, on chill, on tease, ensuite on enfile le smoking. On entend même, tu sais, on en a vu dans les toilettes, tu sais, pour des plaquettes. 7-5 t'inquiète, on vise les sommes, pendant que tes hommes font des claquettes. Yeah. On s'est fille propre, tu te prends hip-hop, beatbox, mon pote, ou la vie de shot. Yeah. Mon rap picote, j'éclate du pop, amène des masses, il me reste 8 clubs. Liquide, tout c'est illicite, amène tes sœurs, font tes liquides, PQ. C'est l'équipe, c'est qui PQ. 7-5 mon pote, que des mecs speed. Posté au pont de la classe, souriez qu'à des absences. Ouais, si tu me cherches, je suis comme un café noir. Souvent dans une tasse blanche, nigga. Rappeur sur ma bulle d'air, suceur sur ma bite d'air. Je veux régner sur l'hémisphère, voir des tracteurs et le mystère. À quoi c'est plus de serbe, sur les yeux de ma mère, je veux plus de. Je tente de baiser mes démons comme une info face à l'adultère. Jour et nuit, je médite sur ce que je fais. Yeah. Still motherfucking fresh. 0S. Jizzy. C'était la session live avec, en effet. Bah, on l'a entendu, Still Fresh, je le entendais pas. Mais là, il est là. T'inquiète, il est là. Je suis que pour rapper, moi. T'es arrivé, dis ça va, tout va bien. Ouais, tranquille, et toi, ça va. Bah, écoute, en pleine forme. On a pu découvrir le EP de Esprit Noir qui sort lundi digitalement et qu'on peut précommander dès maintenant. Bah, écoute, ouais, ça fait super plaisir. Il est disponible pour tout le monde sur iTunes et toutes les plateformes digitales. Voilà. Et bah, merci d'être passé, en tout cas, Esprit Noir. Ben, normal, merci normal. À vous, à toute l'équipe qui est avec toi. Après, tu peux mettre un petit son. Ben, bien sûr, pour dire au revoir aux gens, tu vois, clôturer le truc. J'aimerais bien mettre licence to kill, voilà. C'est donc le on le remet. Éponyme, ouais, j'aimerais bien le remettre, si possible. Ok, ben merci à vous tous. Ben, merci à toi, Fred. Ça fait super plaisir et puis à très vite, j'espère. Et l'aventure continue. Ouais, ouais, ouais. Esprit Noir était au contrôle de la nocturne pendant cette première heure. Fais tes billes, prends tes pas. J'aime agir, pas les pas. Écoute le scud, prends des baffes. Tu veux le sbeul, prends mes gains. En 2, 4, 6 et contre 3, 5, 7. Drive by speed dans une 407. Mon son résonne, donne jusqu'à 7. Dans 5 piches, je ferai pas en vos têtes. Ça tape dur, y'a de la pure. Y'a de la com, y'a de la bonne. Genre l'album, que si t'achètes. Et genre ma bite, que si t'es bonne, j'suis bébé. Je suis pas chinois, mais je passe à la chaîne. Je suis pas en chien, mais y'a v'là la chaîne. Et ça prodige, j'ai pas ça, ça sème. Gentil, insigne, que c'est pas t'arsène. Alcool de base, joint de bœuf. Je reviendrai si tu me loupes de bœuf. Paraît que t'es le meilleur. Laisse-moi rire, moi j'en doute un peu. On est sur le terrain. Si tu payes pas, gravite sur terrain. À part la mort et ta chute de rein. Moi baby, bah je suis sûr de rien. Rien. À l'hôtel, 2-3 tels. Shit gratte, 2 feuilles marocain filtre. Je n'ai confiance en aucun flic. Je sors perdant sur aucun feat. Sors le picard et l'ammoniaque. DJ Belek fait craque mon frère. On laisse la peufra du matosphère. Fait place au meilleur de la stratosphère. Tu nous vois poser. Et tu capas que je nous arroser. N-E. Check. Tu nous vois rebou. On est capable d'aller lécher coup. Donc reste mignon Tu nous connais Tu nous connais pas. Tu nous connais Tu nous connais pas.

Nos mères auraient voulu qu'on grandisse autrement. On évolue, le temps des choix est déjà révolu. Je dois me jeter à l'eau, mais je redoute chaque cap. 24 ans et déjà KO, mais je veux sauver ma peau. Donc si les 10 se vendent, laisse-moi vivre ce rêve. Pour l'instant, je suis bloqué à 19 ans dans Paris 19ème. J'observe Paname, la night, ça accapare la maille, c'est grave. Même le Dalai Lama fait du Krav Maga. Ici on vit à l'improviste, mec j'ai tenté l'impossible et j'ai compris que c'était impossible. Marre cette vie morose, on croit que l'argent fait le bonheur. Se trompe de combat comme des boxeurs en kimono. J'suis ce parigo qui cogne le micro pisse sur la croix celtique. Demande du respect comme alliance ethnique. Cette vie nous rend sceptiques donc on l'ironise fort. Comme dans le club des Hendrix et Jim Morrison. C'est tout ce que j'ai à dire, yo. On est des produits, nos environnements. Nos mères ont évolué, on grandit autrement. On est conditionné à l'emprisonnement. Bat-toi, bat-toi, l'idée s'attache à ton raisonnement. Pour on est des produits de nos environnements. Nos mères auraient voulu qu'on grandisse autrement. On est conditionné à l'emprisonnement. Bat-toi, bat-toi, c'est à nous de prendre les devants. C'est à nous, c'est à nous, yo, yo, yo, yo, yo. Jusqu'à la fin des temps, fin des temps, fin des temps, fin des temps, fin des temps, fin des temps. C'est la nocturne 100% rap français, 100% rap posé. Enfin, on va en profiter encore pendant 30 secondes parce que dans un instant, il y a LIM qui débarque avec son nouveau morceau FDP qui sortira le 19 mai sur Violence Urbaine 4. L'entourage, jeunes entrepreneurs, le 26 mai dans les bacs, on écoutait Jim Morrison à l'instant, c'est la nocturne, c'est 100% rap français. Il y aura aussi du son d'Abdelayen qui va pas tarder à débarquer dans la nocturne 100% rap français. 100% rap français. 100% explicite lyrique. Moi je viens du ghetto, bande de fils de pute. J'aime pas le comico et la brigade des stupes. Ici ça vend du bingo, H24 dans la zoom. Pour remplir le frigo, on marche dans le calbus. J'débarque en mode trafic stup, vol, recèle, bonique pute. Pacte dans le pucelle pour cap, séquestration, cap. Fornication, action, réaction, juge, détention. Braquage, extorsion, racolage, prostitution. Naufrage, immigration, pactage, détention. Outrage, bagage, otage, mitard. Pilotage, chauffard, ligotage, cafard. Vaillant, tac, patard. Pour qui on t'est rendu, globe qui critère crédit, plein de qui déterre qu'on dit, champion qui vit per candy, bandit, leur dit travail, business, rare, dit taudit, racket, tire, non, c'est la reste, c'est la secrète pour remplir les caisses, charge le RS, DS, HP, code, ton rêve, perguez, tout tomber ou prendre sur Yem, 10 ou taper, on a trop Yem, balèze, vache pas ou tapayem, couteau, rasoir, charge la photo, paroi, salade, photo, boulevard, balade, ghetto, mouvoir, balade, l'auto, milliard, régala, comme gros bavard, brigade, la lascar, on crade, salade, bonhomme, boy, pas de ring, ça, boum, boum, boum, bar, Olivet, qu'on fasse 37 pifon, pep, cache, pas, pas, clicron, tic-tac, big bang, raquette, où tu casses, mais pas le con. Car nombreux sont ceux qui sont partis pour des broutilles. On a tous les ougies, violence urbaine, fou, bang bang tout. On a tous fait des 400 coups artisanales et nunchaku. Pour les donneuses, balle sur la joue, même les suceuses, aujourd'hui ça joue. On restera toujours debout, y'a que devant Dieu qu'on se fait à genoux. Contrefaçon, perquisition, comparition, confrontation, déposition, arrestation, permission. Fils de pute. Débarque en mode VV, Lambo, Clio, Vegan, ma fée, Bobo, Coco, Tar. Me fait comme Coco, Coco, Paname, Rive, Colombo, Choco, Banane. Précarité, chômage, RSA, précarité, sauvage, shit, massacre, passage. Débarque en mode Tupus, là, la broque, Tupus, là. Hala, émeute, pas dur, brûlé, tombe à grosse bête, ordure, filé. Tulé ou tout enculé, sans jamais simuler, sans pitié, tulé. Vengeance, condo, léance, bateau, illicite, substance, photo, petite, grande, terrain, grosse, moto, abritite, insolite, j'nique, nique la France. Chien de la cage, 20 dollars à la passe, crash sur crash, rien que ça se tabasse. Quoi que tu fasses, faut que ça ralasse. Tout en place, sans carré d'as. Physique, à bombe, grenade, 9 mm. Trop de frères qui tombent, ça part dans leur sub, on va leur mettre. Roulette, russe, soulette, sus, boulette, bus, ultra cramé, gaïra, ultra armé. Trop de mères en larmes, y'a de quoi s'alarmer. Moi je viens du ghetto, bande de fils de pute. J'aime pas le comico et la brigade des stupes. Ici ça vend du bédo, H24 dans la sub. Pour remplir le frigo, on marche dans le calbus. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. الهمه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا vie c'est risqué, on te viscère. Un visage découvert, on veut de la noix pour pas finir à découvert. Ouais, ma chérie, tu veux que je sois chérie. Mais si ça force, tu viendras me boire un bois d'argile. Je connais des millionnaires grâce aux joints de I. Sous dans mon hall, ça galère, ça cherche l'inspi. Ça y est, je l'ai trouvé, tu m'as cherché, je t'ai trouvé. Game over l'ami. Demande à Salim, ses chiens veulent nous salir. Sous silencieux, je préfère faire parler le calibre. Des terres royales, je prends 20 pistes pour la familia. C'est pour les refrains sans visa. Des terres qui rêvent de harak, dis wena. Hey, hey. On y est là, les deux mêlis. On est goûté le mal. Vamos no flash, ele é o batei. Pra cantis mud, ele o liga. O ranilo, o alegele chauti. O ligi, indilera. Quem nos deu o tchabu no bonito. Falou com sequin, mas pulou no zé. Je débarque en mode alien, comme un djihan. Et les putes finissent alien, je reste tant qu'il t'a hanin. C'est qu'il faut que je me range. Au passage, en place pour mes frères qui depuis petit m'arrangent. Je sais que je dérange, faut que je mange. Plus la vie défile, plus je la trouve étrange. Ni démon, ni ange, staffallah. Parfois je pète les plombs comme Abdallah. Il faut que j'ai le bras long. Je reviens à la chasse comme un taureau. Je te fume comme une garrot. Rafale de balles sur le comico. 7-8 c'est LV, fais pas le zoro. Lève de Pont-Sèvres. Si tu nous cherches, tu sais on se nous. Lève ta bécane à ma santé. C'est pour les man écroués de Bandar à la santé. Gardez la chepé. On veut tout brûler, on veut tout péter. Père tous les quartiers. On y est là, les deux mêlis. On est goûté le mal. Vraiment, je me frache, elle est votre poitée. La crainte, si je me réveille, on est là. On est là, on est là, j'ai les chantiers. Obligé, il est là. Qu'il me gère, on te hève, on me bouline. Hello, vous êtes qui, mais vous l'aurez. C'est là, pourquoi? C'est pour que tout le monde sache que je suis anti-fort. Hardcore jusqu'à la mort, sans remords. Et alors, je vous le déborde depuis petit. Y'a un petit, un pack de bière et un petit. Et c'est reparti, et tant pis si ça finit mal. Ici, rien n'est normal pour 10 balles. Avant, c'est trop bas, là, la peine, juste à prendre la chapelle. Fait, tu crois que la vie est. Mais si c'est depuis de temps pile, c'est pour que son petit ait son air. Serré, comme être mori. Faire péter avec une centaine de litres en RS4-Ori. Ça arbitre pour vivre ici, ça bibi. Tous en mode CMP, en mode clé. Oui, allez, oui, allez. Ma vie, j'ai trouvé de conneries. R.I.M.P. à toutes les tessies. On y est là, les deux mêlis. On est goûté le mal. Ma femme, je te frache, elle est votre moitié. La crainte, si je meurs, elle oulie. On en ira, on est chez les chantiers. Obligé, il est là. Qui me gère, on te hève, on me bouline. Allô, vous êtes qui, mais vous l'oublie. Planète rap, 100% rap français. Putain d'histoire sans fin, voilà pourquoi je fais le remix. Dis à la relève que l'histoire ne retient que les têtes de liste. Histoire ce futur ex-chérie qui prennent le risque d'envoyer maman une fois par mois à Fleury ou chez le Fleury. L'histoire d'un mec qui se mouille quand les trois quarts sont rincés. Je veux me faire shooter par autre chose qu'un canon 5D. Tu veux voir un noir au-dessus d'un blanc, regarde mon synthé. Ou regarde ton daron grimper sur un camion blindé. C'est l'histoire des insomniaques insolvables. Notre super héros préféré s'appelle Nympho. Rap made in carnivore, c'est l'histoire des petits marginaux. J'y retape ton appart plus vite que Valérie D'Amido. Pour un scalap, d'un calage. Call of Duty free. L'histoire d'une jeunesse qui bave devant tout ce qui brille. D'après ma mère, l'histoire commence un lundi soir. Mon créateur écrit la fin de l'histoire. C'est l'histoire de John H. Mec. J'tise comme Gorbatchev. Fendant le cul, niche de mort, lâche neck. C'est pour mes hommes d'affaires, mes disquetteurs. C'est une histoire noire qui foire et qui te fait peur. Histoire de petits guetteurs, de pointeuses et de grossistes. De magouilles en tréféniste gauchiste. C'est une histoire de cul, y'aura de la bonne, le vrai. Suis-moi sur Twitter, @alcapote, le vrai. Fais pas ta forte tête. Écoute mon histoire, morceau neuf sur l'album L'Empereur, j'coupe la corde raide. C'est Al Capote, j'm'échappe ma grotte. J'compte vous baiser comme Bernard Madoff. C'est l'histoire d'un mec un peu bête qui pète ses aztecs. C'est l'histoire de laisse tomber celle-là, Zek l'a déjà faite. C'est l'histoire des petites chez moi. Ils te volent, ils ont plus d'idoles. Ils se tuent internet. Guy George, futurine Steve Jobs. Histoire de mon compte continent qui crève devant vous. Ta fille discrète qui part en couille au spring break de Cancun. Histoire de ce comique qui mit Nicolas Cantelou, ou celle du petit Nicolas qui m'explique qu'est-ce qu'il raconte nous. Histoire de ce vendeur de coke qui tombe love à Bangkok. Sa cote est sur la pente, donc il saute un jour de Bangkok. Yeah. Ou cette jeunesse qui a du mal à rester lucide. BS, la première dame, c'était pas Carla, à part que c'était Lucie. Je dis ça histoire de... C'est l'histoire d'une partie de chambre en l'air entre Black Brut et l'instru d'histoire de... Je m'occupe de fumer ta prod car je ne fume pas de bœuf. C'est l'histoire d'une punchline qui rate sa marche merde. C'est l'histoire d'un public que je qualifierais de manche merde. C'est l'histoire des poils de beat posés sur ta langue. Ta perception certaine que tu pompes bien mais tu n'as pas de talent. C'est l'histoire d'un faux qui bat de blêle, qui attend de bled. Mais sûrement toi le mien, je rappe bien depuis ma première danse blé. C'est l'histoire d'un putain de souffle que je me dois de reprendre. L'histoire des putains de sous que tu dois me rendre. C'est l'histoire d'une putain de carotte que tu crois me mettre. Mais depuis quand le putain d'élève encule le putain de maître. Histoire ma vie, cherche de la garce sur Skype. Cherche de la graille, cherche de la gamme sous Skype. Dernier de la classe sous clope, perpète dans la cage. Mon cœur vous sert de la classe sur ce clope. Vite les billets verts de dollars pleins qu'on se reproduise en servant de la carte sous clope. L'histoire de toute cette haine dégueulasse garde sous cloche. Victoire, la coupe est pleine, faites de la place pour le clock. L'histoire des gars et des barres j'écume. Merci les tâches des cuves. Et il paraît que je rappe mieux quand j'articule. Ma vie c'est barbiturique barbecue. C'est l'histoire de savoir si ton slip diesel a un filtre à particules. C'est l'histoire d'un gars du 7-5 qui t'escante, qui sort le glaive et qui s'arrache ensuite dans une petite R5. Pour une histoire de sous, de seuf ou bien de pas. C'est l'histoire d'un corps en travaux, encore un travaux. Ça c'est l'histoire d'un Brésilien au teint basané. Ou celle de ce clochard qui passera pas cette année. Bah ouais, l'histoire se répète, mon pote, ça canne en plein hiver. Man la zèbre, on sait y faire, on rentre à le pays vert. C'est l'histoire des colons, une histoire de pognon. L'histoire d'un tolard aigri qui cantine pas ses oignons. L'histoire d'incarcéré, je te mens pas gros, c'est dur. L'histoire de prof qui juge de bail de procédure. C'est l'histoire de gros caïd, de grammes de cocaïne. De balles de gros calibre, de morts qu'on totalise. Nouvelle école, histoire de fou, de rap de naze. C'est l'histoire d'un mec du 7-5 qu'on appelle Esprit. Tu crois qu'on fournit de la camelote, nique la parlotte. L'histoire montre que JF Kennedy n'avait pas mis la capote. Je dis ça car faut qu'on sensibilise les jeunes. Tu connais l'histoire, un train de vie d'enfer. Ils se disent des heures, ça siffle des cheveux plats. À base de whisky, spliff, PlayStation. Et ça vomit dîner à l'heure ou même ils pissent des jeunes. Je respecte que les vrais et les lois que je m'instaure. Ni Criqui, Roselmac, enfoiré, moi mon rap t'informe. Tu crois que ton fêlé de voisin dort. Il prend des râteaux à la pelle. C'est donc dans son jardin qu'on a retrouvé les tapins morts. Faut pas que l'histoire se répète. Va falloir être extrêmement adroit si jamais les fachos tapent un score. C'est l'histoire d'un gars des cités minières. C'est l'histoire d'un intérimaire qui pourrait se faire délivrer ses arrêts maladie chez le vétérinaire. Qui voit son père et se demande si l'erreur est héréditaire. Y'a rien à faire à part apprendre à faire profit ou faire prophète. C'est l'histoire d'un enfoiré qui reste honnête. C'est l'histoire d'un enfoiré qui reste marbre face aux enfoirés qui promettent café clochette sur un bâtonnet de glace. C'est l'histoire de petites mais honnêtes qui cachent des petits faits divers graves. C'est l'histoire de mon nord-est. C'est l'histoire de mes collègues. C'est l'histoire de base. C'est l'histoire intemporelle de la colère des gens braves. Destin balafré de forêt. C'est l'histoire de victoire dérisoire. Les histoires attirent les histoires, mec, des histoires. Que des histoires dans le tiroir. Mais la plupart, j'en parle pas, ça pourrait faire des histoires. 100% rap français, planète La Nocturne. Il y avait Histoire 2 à l'instant sur le projet de Zeku et Ramos, avec plein de monde dessus, dont notamment Taipan, Alpha One, Esprit Noir, Dixon, Black Brut, Nak et Al Capote. Et là, c'est monsieur Dinos Punchlineovic avec Némir dans La Nocturne, 100% rap français maintenant. Sur le quai avec du G7, dans les oreilles j'kiffe mec, c'est reparti de plus belle dans les hauteurs de la ligne 7. Vite F, j'm'assois, j'écris steak, j'aperçois un sourire sincère d'une fille envers son père qui ne sait pas encore qu'il souffre à cancer. Mec qui parle mal à la meuf d'en face alors qu'elle lui plaît. Monde à l'envers, qui veut la guerre prépare la paix. Un riche juif, un pauvre arabe, la barrière de la parole. Les deux odeurs se mélangent, l'Ariel, la Charonne, merde. Cette tête vénère qui regarde ce barbu, c'est pas une bombe. C'est un sac d'habits pour l'UNICEF, espèce de vieille mégère. Méfie pas aux apparences, méfie-toi des bonnes personnes. Le mec qui vient de sortir du train a ton portefeuille dans la poche. L'atmosphère est crispée, les gens sont si méfiants. Nos vies sont similaires, mais c'est différent. Et si un jour t'as du mal à relever la tête, dis-toi que la vie des gens autour de toi est peut-être pire que la tienne. Les journées ressemblent aux tiennes. Aujourd'hui comme hier. Différents similaires, au-delà des apparences. Laisse-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Fais-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. On va procéder au contrôle des titres de transport. Je vais être franc avec toi, négro, j'ai pas de ticket. Non, une pièce d'identité, en plus de ça, je suis fatigué. T'auras beau me dire que ça sert à payer le conducteur. Je m'en bats les couilles, je viens de me faire taxer le quart de mes droits d'auteur. Et quant à vous, c'est que vous auriez pu être ma tante. Mais c'est pas parce que vous appelez en Afrique que tout le wagon doit vous entendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis super que ça. Et pourquoi tu manges un sandwich, mon frère? Il est 10h du mat. Merde, je viens d'effrayer la petite derrière. Des traces de coups sur ses mains et un pack de 5 bières dans le sac de son père. 14 lignes de métro, 7 wagons et comme par hasard, c'est le mien que t'as choisi pour jouer de l'accordéon. Merde. L'atmosphère est crispée, les gens sont si méfiants. Nos vies sont similaires, mais c'est différent. Et si un jour t'as du mal à relever la tête, dis-toi que la vie des gens autour de toi est peut-être pire que la tienne. Les journées ressemblent aux tiennes. Aujourd'hui comme hier. Différents similaires, au-delà des apparences. Laisse-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Fais-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. L'atmosphère est crispée, les gens sont si méfiants. Nos vies sont similaires, mais c'est différent. Si un jour t'as du mal à relever la tête, dis-toi que la vie des gens autour de toi est pire que la tienne. Les journées ressemblent aux hier. Aujourd'hui comme hier. Différents similaires, au-delà des apparences. Laisse-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Fais-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Sur Skyrock. Nocturne. Je suis des plus aimés comme des plus détestés. Je m'appelle Simba, appelle-moi Meister. C'est majesté. Y'a que si t'as reversé 50% de chaque pif que t'as touché au docteur qui t'a aidé à naître en bonne santé, que j'irai un ultra. Ne me propose pas ton aide pour que je sois reconnaissable de mon sang. Même si j'avoue que c'est un investissement intelligent. C'est vrai qu'à force de traîner dans la rue, ton fils peut se faire raquette, faire braquer ou pire, bang bang. Tout comme il peut se faire renverser par une vieille à chaque fois que tu l'envoies acheter une baguette de pain. J'prends 40 000 œufs dans les 6 champs pour avoir dénoncé les expulsions de leur cousin. Et le guetton veut d'abord savoir si je rentre de l'argent. Mets des t-shirts noirs et fiers et 5 minutes après critique mon accent. Putain, on s'appelle déjà négro et peut-être qu'à force d'être mal aimé, on se mutile, on finit aliéné. Le cœur supporte mieux la haine quand on est capable de rire des tards qui nous mettent sur le bord. Et comme d'hab, seul le réalisme mettra toutes les communautés d'accord. Comme une vénézuélienne super bonne. On sait plus qui est qui. Où est le vrai? Je vois plus clair, frère. Où est l'enculé? Ne mords pas la main de celui qui te nourrit. C'est un putain de dicton pour que le modeste pose son clair. Alors je ramène le slogan des soldats sans clair. Coupe la main qui te nourrit si c'est la même qui va t'étrangler. Je suis né là où Ali a battu Foreman. Souris à ton ennemi, ça va lui faire mal. Je serai pas chirurgien, je m'en fiche. Je sais faire des césariennes aux baguettes pour éclater mes sandwichs. Pas de succès commercial sans euphémisme. Je me suis fait trop d'ennemis avec mes raps pour qu'on me qualifie d'opportuniste. Oui, j'ai montré mon cul comme Polnareff. Avant de jacter, dis-moi, c'est quoi ton palmarès? Je suis un rôle principal, ne me compare pas. Personne t'écoute. je ne parle pas. Je refuse la paye de l'usine parce qu'elle est maigre. Poste de leur peine musique, je suis un Pascal Nègre. Je viens pas piquer le power. Les défenseurs ballon d'or se comptent sur les doigts d'une main. Demande à Beckenbauer. Vois-moi comme un 5 belliqueux. Le troisième petit pont, je te casse la bûche et j'assume le carton rouge. Le kamikaze part en guerre pour mourir, yeah. Ça le rend plus efficace que le soldat qui attend les courriers, yeah. On distingue le mal et le bien à l'âge de raison. On m'attend comme les abeilles attendent les floraisons. On finira sous terre, tous têtes. Avant d'être persuadé, j'ai douté. J'arrache le respect face à leurs crimes. Fusse-les, de façon, mentir l'amour, ça rend un cri. Ailleurs, je suis pas fou, je suis béni. Excellence, tu es pénible. Je monte en flèche, mais je perds ma foule. Fèche comme pénible. Je suis à part à chaque calme. Quand chien qu'a quitte la sac à tâche, c'était le maillot de chaque. Je pétasse lui de béni. Élevé au sac, à chaque 5 sacs. On charque le sac de brochette. Semaine prochaine, catch devant les bénis. Quel freestyle, je mange hébreu, parle français, pris en arabe. Quel freestyle. Desporuzzi a vécu et c'est MC Balboa. N'aie plus honte de crécher les papillons sous bois. Ils sont choqués, ils coulent. Comment tant de violence peut provenir d'une ville aussi cool. Validé par AKH et ses millions de disques. Les rageux, qu'est-ce que je m'en tape l'oignon de ce qu'ils disent. Qui même me suivent, qui est partant. Je vous emmerde, je vous emmène, pardon. Je me kiffe, je me branle sur moi-même sous mes draps. Je suis mon rappeur favori. Ben quoi, j'ai pas le droit. Leur brise sur la tête du Kel. J'ai la clash, combat la justice comme Michael. Celui qui m'appelle le roi lion court m'a vénère. Aujourd'hui s'il m'appelle le roi lion il m'a vénéré. Les mères dorment plus, pleurent leurs fils dans des requêtes. Seigneur mourir avant le cadet, c'est leur dernière requête. De Saint-Ouen-Riquet, le fusil parle fort, je le regrette. C'est pas faux, mais bon c'est le quai. Merde, lâche ton shoot. Merde, il creuse tes joues. Incrusté dans tes veines crispées sous. Tu fais la manche pour planer, pour graille, tu grattes des sous. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui réussit. Mais le ghetto a besoin de guerriers lucides. Défier l'état, t'en connais le coup. Freine te freine, lui refrais, t'en connais le coup. Sois confiant mais fais bélec sur qui tu mets tes coups. Encourageant comme rageant, les squelettes n'ont pas de couilles. Meister. C'est la fin de la nocturne sur son à l'instant de Despo Routi sur Skyrock. Prochaine nocturne dans une semaine. Loupez pas non plus entre 20 et 21 la semaine prochaine, un petit peu même avant 20h tous les soirs. Il y a Rue qui débarque, la révolution urbaine avec l'album à découvrir tous les soirs dans Planète Rap, 20h, 21h. Passez une bonne nuit, bonne soirée. Fabuleux et Lara, par NB en non-stop, c'est reparti. Ciao. Yo, Skyrock. New hip-hop. Non-stop. Skyrock. Skyrock.